nourri des montillés de fange. Nous n'irons pas à tes sabbats. Des sommeils affreux, tu arraches à coups de pique ta mère vit un peu foireux, et tu naquis de sa colique. Pour payer